explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Nous, les êtres humains, aimons bien organiser et régenter notre environnement. Dans nos potagers ou nos jardins d'agrément, nous faisons le tri entre les mauvaises herbes et les herbes, les espèces végétales que nous jugeons dignes d'intérêt. Soyons clairs, nous sommes les patrons, c'est nous qui décidons quelle plante a le droit de pousser. Et signe de notre immense exigence, nous choisissons souvent de cultiver des plantes que des aventuriers botanistes sont allés chercher à l'autre bout du monde, au péril de leur vie. Les fraisiers proviennent de l'Amérique, la rhubarbe a été rapportée d'Asie, tout comme le kiwi. Mais qu'importe les berceaux géographiques de ces plantes, nous avons réorganisé tout ça à notre guise. C'est dire si nous le dominons, ce monde végétal. Mais si ces plantes pouvaient parler, ne se vanteraient-elles pas d'avoir su user de leur charme pour nous manipuler dans leur intérêt ? Grâce à nous, elles ont colonisé en un rien de temps et sans dépenser la moindre énergie des continents lointains qui leur seraient restés totalement inaccessibles. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours de quelques-unes de ces plantes voyageuses qui ont conquis le cœur des hommes pour mieux conquérir le monde. Général ! Général, j'ai fait une découverte ahurissante, regardez. Le temps d'un bivouac. Je vous envie, Hermoso, c'est beau d'être jardinier. Quelques fleurs et vous êtes aux anges. Je suis botaniste. Et ceci, général, est une nouvelle espèce d'orchidée. Je l'ai appelée Orchidus hermorhoïde. Sur France Inter. Vous êtes sûr du nom ? Oui. Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Katia Astafiev et Marc Janson. Soyez les bienvenus. Katia Astafiev, vous êtes botaniste, directrice adjointe des jardins botaniques du Grand Nancy et vous venez de publier L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses aux éditions Duno. Et Marc Janson, botaniste responsable des collections de l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle, vous avez récemment publié L'herbier de Gerardo Cibo aux éditions du Chêne. Nous allons découvrir avec vous l'histoire de ces plantes venues de loin et des explorateurs qui sont allés les chercher parfois au péril de leur vie. À 17h, nous irons regarder le monde à travers l'œil et l'objectif d'un grand photographe. J'aurai le plaisir de recevoir Raymond Depardon. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay et préparée par Solène Vary et Mathieu Aoued avec l'aide de Cyrielle Laborde. Nous devons changer de bateau car le fleuve n'est plus assez profond. Puis, nous marchons jusqu'à Tunché, chef-lieu du Wanchan. Au détour d'un chemin, je tombe en arrêt devant un arbre magnifique, un saule pleureur, une espèce que je n'ai jamais vue ailleurs. Mais je ne suis pas au bout de mes étonnements. Nous sommes sur le point de repartir quand une plante extraordinaire dans un coin du jardin attire mon attention. Un magnifique berberis à feuillage persistant. Un spécimen de toute beauté. Il n'a qu'un seul défaut, il est trop grand pour être transporté. Récit de voyage du botaniste britannique Robert Fortune à la fin du 19e siècle, émerveillé devant des plantes qu'il ne connaissait pas sur son chemin en Chine. On aura l'occasion d'en reparler de ce botaniste dans la suite de cette émission. Marc Janson, à partir de quelle époque les pays d'Europe envoient comme ça des explorateurs botanistes collecter des graines et des plantes dans des pays lointains ? C'est difficile de donner vraiment une date zéro par rapport à cette relation complexe entre les hommes et les plantes, puisque les hommes ont toujours fait voyager les plantes. Alors dans une optique au départ peut-être plus à partir de l'invention de l'agriculture, d'un point de vue alimentaire ou médical, je dirais que les choses vont commencer à vraiment avoir un objectif un peu plus scientifique, un peu plus de description du monde vivant à partir de la Renaissance. Et puis ensuite on a les premières vraies grandes circumnavigations à la voile, et la France est numéro un à cette époque, puisqu'en 1767, Bougainville et le botaniste Commerson embarquent pour cette première grande circumnavigation qui seront suivies ensuite par les aventures de Cook, etc. Ce sont vraiment des explorateurs, des aventuriers, qui sont prêts à risquer leur vie pour aller observer, rapporter des graines de ces plantes à l'autre bout du monde. Absolument, nourris de ces idéaux des Lumières et de cette idée de vouloir comprendre le monde dans toutes ses composantes, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a des botanistes, mais il y a les cartographes, les astronomes, les ethnologues, etc. Katia Astafiev, de ces voyages, ils ont rapporté de nombreuses plantes qui nous sont aujourd'hui complètement familières. Alors on oublie un peu que ces plantes ont voyagé, elles viennent de loin. On pense à la tomate, à la pomme de terre, qui nous viennent d'Amérique du Sud, mais on pense moins à la rhubarbe. Et vous consacrez dans votre livre tout un chapitre à la rhubarbe. D'où provient-elle, cette plante qui nous est si familière aujourd'hui ? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, la rhubarbe est une plante tellement banale dans nos jardins. On pense parfois qu'elle est là depuis des siècles et des siècles, que nos arrière-arrière-grand-mères faisaient déjà des confitures de rhubarbe et des tartes à la rhubarbe. Voilà, et en fait, la rhubarbe vient de loin. Elle vient de Chine, elle vient de Sibérie, elle vient des contreforts du Tibet, et elle a été plantée, introduite comme plante ornementale, enfin, et surtout comme plante alimentaire en Europe au XVIIIe siècle. Ouais. Voilà. C'est tout récent, finalement. Alors, c'est récent quand même, hein, c'est récent. Alors, par contre, c'est une plante qui est connue quand même depuis très longtemps en Chine, où elle était utilisée comme plante médicinale. Alors là, c'était plutôt la racine qui était utilisée comme purgative, hein, donc pour les problèmes digestifs. C'était une plante très, très utilisée. Ouais. Et par contre, elle est aussi connue, la date de sa découverte, on va dire, par les Européens n'est pas très claire. Ouais. On sait que Marco Polo l'a observé. Il y a un petit chapitre, un petit passage dans son récit Le Devisement du Monde où il parle de la rhubarbe, il la décrit. On lit souvent que c'est lui qui l'a rapporté, mais apparemment c'est une erreur. Hein. Ouais. On sait aussi que Dioscoride, donc un médecin grec au 1er siècle après Jésus-Christ, parle aussi de la rhubarbe comme plante médicinale. Donc, son nom nous renseigne, hein, rhubarbe, ça aussi on l'apprend en vous lisant, son nom nous renseigne sur ses origines. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans rhubarbe ? Voilà, alors ça c'est intéressant aussi. Alors le nom des plantes est rarement donné par hasard, hein. Ouais. C'est donné par rapport en hommage à un botaniste, par exemple, mais ça peut être aussi par rapport à la forme de la fleur, la plante, et ça peut être aussi par rapport à une histoire géographique. Donc, ça vient de Ra, qui était l'ancien nom de la Volga, puisque c'était la plante qui venait de très loin, qui venait au-delà de la Volga. Et puis, on l'appelait, maintenant son nom, une des espèces, c'est Rheum rabarbarum. Ouais. On entend le mot barbare, puisque c'était la plante des barbares. Ouais. Donc, dans rhubarbe, il faut entendre le barbare. Elle vient de ces pays que l'on disait des pays barbare. Vous nous avez dit, c'est pour un usage médical, hein, au départ, qu'on s'est intéressé à cette plante. C'est souvent le cas, Marc Janson. Souvent, ces plantes, avant de rentrer dans nos régimes alimentaires, elles sont passées par la pharmacie. En tout cas, de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, c'est vrai que la botanique en tant que telle n'existe pas et qu'elle est vraiment mélangée, en quelque sorte, associée à une science dominante qui est la science médicale. Et d'ailleurs, il faut attendre le 19e siècle pour avoir vraiment des botanistes en tant que tels. Jusqu'au 19e, les botanistes sont avant tout des médecins. Mmh. Et la rhubarbe, alors, c'était pour ses vertus un peu laxatives qu'on l'utilisait ? Voilà, exactement. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein. Vous mangez un peu trop de rhubarbe, vous verrez le résultat. On s'en rend vite compte. Et alors, on apprend aussi qu'il y a cette expression d'un certain Nicolas Sarkozy qui avait un peu surpris tout le monde quand il l'avait employé. Je vous la mets en mémoire pour que vous l'ayez en tête. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Oui, alors c'était assez approximatif cette histoire de salade et de rhubarbe, mais en fait ça fait quand même référence à une expression qui existe bel et bien, Katia Astafiev. Voilà, effectivement, ça arrive, hein, de s'en mêler les pinceaux avec des expressions. Là, l'expression de départ est « passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné ». Ouais. En fait, ça se dit de deux personnes qui font des concessions mutuellement. Voilà. Ouais. Et, il s'agit de laxatives, c'est ça. Voilà, parce que c'est deux laxatives, donc on reconnaît les propriétés de la plante dans l'expression. C'était un échange de laxatifs auquel faisait référence sans trop s'en souvenir Nicolas Sarkozy en 2015, c'était au moment des élections régionales. Alors il y a la rhubarbe, mais on devrait dire les rhubarbes, parce que dans votre livre aussi, Katia Astafiev, on se rend compte qu'il y a la rhubarbe du désert de Negev, il y a la rhubarbe en Afghanistan aussi, qui a un peu un aspect de serre. Alors quelles sont les particularités de ces différentes rhubarbes ? Voilà, alors effectivement, il y a plein d'espèces de rhubarbes. Certaines sont moins connues que d'autres. Hein. On connaît effectivement la rhubarbe médicinale ou les rhubarbes ornementales dans nos jardins. Mais il y a par exemple la rhubarbe du Sikkim, qui pousse entre 4000-4800 mètres d'altitude et qu'on surnomme un peu la plante serre parce qu'elle a des bractées, donc c'est un peu des feuilles transformées, si vous voulez, qui se superposent et qui font un écran un peu translucide pour faire effet de serre, en fait, comme son nom l'indique. Donc ça permet à la plante de résister au froid en altitude et de se protéger des UV. Hein, c'est un peu son indice 50 pour se protéger du soleil. Et puis il y a celle aussi, alors là c'est dans le Negev, dans le désert du Negev. Alors elle est organisée pour concentrer l'eau, un peu comme des montagnes font couler l'eau jusqu'à la racine, là, pour le coup. Voilà, alors ça c'est aussi une rhubarbe assez étonnante, effectivement, qui vit dans le désert, un peu entre la Jordanie et Israël, qui a déjà une pellicule cireuse pour retenir l'eau, et puis qui forme des sortes de mini-montagnes. Ça fait un système d'irrigation et ça lui permet de récupérer jusqu'à 16 fois le volume d'eau d'une plante normal dans le désert. Quoi. Alors à l'époque, pour aller chercher ces plantes, hein, les botanistes devaient être particulièrement costauds, comme l'a d'ailleurs souligné en son temps le scientifique et écrivain Bernard de Fontenelle. Nous étions au début du XVIIIe siècle, voici ce qu'il écrit en parlant du botaniste Joseph de Tournefort. La botanique n'est pas une science sédentaire et paresseuse qui se puisse acquérir dans le repos et l'ombre d'un cabinet. Elle veut que l'on court les montagnes et les forêts, que l'on gravisse contre les roches escarpées, que l'on s'expose au bord des précipices. Les seuls livres qui peuvent nous instruire à fond de cette matière ont été jetés au hasard sur toute la surface de la Terre. Et il faut se résoudre à la fatigue et au péril de les chercher et de les ramasser. Bernard de Fontenelle, hein, donc qui parle, qui rend hommage à ces botanistes en disant c'est une des disciplines les plus compliquées parce que non seulement il faut les connaissances, mais il faut aussi avoir la forme physique et le courage d'aller les regarder, ces plantes. Il fait référence à Joseph de Tournefort quand il écrit ces lignes. Qui est-il, Joseph de Tournefort, Marc Janson? Alors Joseph de Tournefort, pour quelqu'un qui travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle et encore plus spécifiquement à l'Herbier National, ouais. C'est un nom qui résonne parce que c'est un grand botaniste pour son époque. Il est porteur d'un système de classification particulier qui développe en propre, en utilisant les caractères des fleurs, etc. Donc une méthode en quelque sorte pour donner un nom aux plantes à partir uniquement des caractères des fleurs, c'est-à-dire leur organisation, le nombre de pétales, le nombre de sépales, etc. Et surtout c'est un grand voyageur pour son époque qui accumule un herbier absolument conséquent. Et en 1708, lorsqu'il va mourir, c'est le premier botaniste qui va léguer son herbier au roi Louis XIV. Et c'est en quelque sorte l'embryon de l'immense collection de 8 millions de spécimens qui est toujours conservée aujourd'hui à l'Herbier National. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'herbier que vous avez au muséum, il y a encore des plantes recueillies par ce botaniste il y a quelques siècles? Il y a toutes les plantes qui sont collectées par Tournefort en Turquie, en Arménie, au Portugal, en Espagne, dans le sud de la France. Tout est encore là et tout est conservé, bien sûr, très précieusement dans les étagères du muséum. Et vous n'avez pas l'œil qui pétille de Marc Janson et le grand sourire quand il dit ça, parce que c'est un vrai trésor dont vous êtes en train de nous parler. Pour un botaniste, ça a une valeur inestimable, ces plantes. Absolument, c'est un trésor parce que beaucoup de noms sont toujours associés aux collectes qui ont été faites par Tournefort. C'est un des plus grands herbiers constitués à l'époque, donc on est sur quelque chose qui a vraiment une importance. Comme je le disais, il y a un système de classification qui y est associé, donc c'est aussi un objet qui est marqueur dans l'histoire des sciences. Et puis surtout, c'est des collectes qui datent de la fin du XVIIe siècle et qui sont donc des sources absolument uniques et précieuses pour documenter tous les changements qui affectent la flore. C'est-à-dire que l'on sait que Tournefort, à la fin du XVIIe siècle, a collecté telle plante à tel endroit et on peut facilement aujourd'hui se rendre compte si cette plante existe encore, si elle s'est déplacée, si elle a disparu. Donc c'est vraiment des outils très très importants pour documenter tous les changements qui affectent notre monde. Alors lui, hein, Tournefort le faisait de façon assez systématique, d'autres le faisaient presque en dilettante à côté d'autres missions, hein, Katia Astafiev. C'est le cas d'un certain Fraisier, François-Amédée de Fraisier, hein, je crois. Alors son nom, ça ne s'écrit pas exactement comme les Fraisiers que l'on connaît, hein, c'est Fraisier, F-R-E-Z-I-E-R, mais il porte ce nom parce que dans sa famille, certains ont traficoté des fraises des bois à une époque, mais lui c'est bien aux fraises, mais aux fraises du Chili qu'il va s'intéresser, le bien nommé Fraisier. Voilà, effectivement, ça c'est un personnage qui portait bien son nom, qui n'était pas botaniste au départ. Il avait été envoyé en mission en Amérique du Sud, un petit peu comme espion, pour observer les fortifications espagnoles, et puis pour amener des informations diverses et variées sur le pays, les populations, la géographie, tout ça. Donc il est parti là, on est en 1714, et puis pendant son voyage, il s'intéresse aussi aux plantes. Hein. Souvent les gens à l'époque étaient vraiment pluridisciplinaires. Oui, c'est ça, on se rend compte, moins spécialisés qu'aujourd'hui. Voilà. Hein. Donc, il s'intéressait à beaucoup de choses et il a observé des fraises qui étaient très grosses parce que la fraise qui était consommée en Europe, c'était la petite fraise des bois. Et là, il a observé une grosse fraise qu'on a appelée donc, la fraise du Chili, qu'il a rapportée en Europe. Et en Europe était aussi cultivée une autre fraise qui est la fraise de Virginie qui avait été rapportée par Jacques Cartier. Et à un moment, les plantes ont été cultivées les unes à côté des autres. Alors, on ne sait pas si c'est un botaniste qui les a hybridées ou si ça s'est fait tout seul, mais en tout cas, il y a eu une hybridation, donc un croisement entre la fraise du Chili et la fraise de Virginie. Et c'est devenu un petit peu la mère de toutes nos fraises, on va dire, de nos fraises qu'on trouve aujourd'hui. Donc on doit à ce Fraisier, en tout cas à cet homme, Amédée François Fraisier, le fait d'avoir les fraises telles qu'on les connaît aujourd'hui dans nos assiettes et dans nos desserts. Exactement, on peut remercier Monsieur Fraisier pour cet apport important. Le bien nommé. À l'époque, Marc Janson, il ne suffit pas de les trouver, ces plantes, encore faut-il les transporter. Hein. C'est ça aussi, c'est toute une histoire, parce que évidemment les voyages voyages se font sont très longs, à bord de bateaux. On imagine que c'était pas simple de les faire voyager, ces plantes. Alors, ce que j'avais envie d'ajouter avant de parler du transport, c'est qu'il est très important de comprendre que vraiment ces espèces de voyages des plantes sont vraiment essentielles à la mondialisation économique qu'on a connue sur ces dernières décennies, hein, puisque elles précèdent cette mondialisation économique et pour certaines, elles expliquent, elles rendent possible cette mondialisation économique. On parle de l'EVA notamment. Mm-hmm. C'est vraiment très important de comprendre ça. Ça n'est pas anodin, c'est pas juste quelques plantes médicinales, mais ça a vraiment un impact économique absolument fondamental. Et la question du transport est effectivement très importante, puisqu'il faut bien comprendre que tout ça s'insère aussi dans un contexte de maîtrise technologique, d'invention technique, etc., qui vont permettre de favoriser ces voyages des plantes. On est à l'époque sur des bateaux, l'espace est très restreint et il y a une vraie lutte parfois entre les marins et les jardiniers, les botanistes de l'autre côté, notamment pour la disponibilité en eau, puisque ces plantes, faut les arroser. Donc, ça veut dire qu'il faut sacrifier une partie de l'eau à la croissance de ces plantes. Alors, de l'eau douce, et mine de rien, l'eau douce, c'est précieux. Peut être très rare, surtout quand les navires s'encalminent, etc. Et puis l'espace, parce qu'on a quand même des ponts de navires qui sont avant tout utilisés par les marins. Et donc, l'espace pris par les plantes est parfois assez conséquent. Et donc, il faut avoir aussi en tête que toutes ces plantes, lorsqu'on les met sur le pont des navires, ce qui est obligatoire pour qu'elles aient accès à la lumière, etc., sont soumises aux embruns, donc il y a beaucoup de plantes qui disparaissent. Et en fait, pendant très longtemps, jusque disons la moitié du XVIIIe siècle, on transportait les plantes essentiellement sous forme de graines, de cornes, de bulbes, parce que les plantes vivantes en pot voyageaient vraiment très très mal. Ouais. D'ailleurs, en plus, Frézier, je crois qu'il prend que des plants femelles, donc finalement, il a du mal ensuite à les faire se reproduire. Nous suivons le parcours des plantes voyageuses et des explorateurs qui les ont transportées, le temps d'un bivouac botanique. Et pour nous adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook. Just leave me behind and go and get on. My worst enemy is my own flesh and bone. Don't worry about this heart of mine. It's been busted for a long, long time. You'll only find static on the line. So hang up the telephone. C'était Shannon Shaw qui chantait Broke My Own sur France Inter. Vous devrez sélectionner des plantes et des graines des meilleurs théiers de l'espèce Thea viridis, c'est-à-dire de thé vert, en provenance des meilleures régions productrices. Puis, les transporter sous votre responsabilité de Chine à Calcutta et de là, dans l'Himalaya. Vous devrez également diriger tous vos efforts pour engager des cultivateurs de thé expérimentés et de bons manufacturiers, sans lesquels nous ne pourrons pas développer nos plantations dans l'Himalaya. Signé, le marquis James Ramsay de Dalhousie, gouverneur des Indes, 3 juillet 1848. C'est à Robert Fortune, botaniste britannique, que va être confiée cette mission au milieu du 19e siècle par le gouverneur des Indes. Il y a un côté mission impossible dans cette recommandation. Vous racontez cette histoire dans votre livre, Katia Astafiev, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses chez Duno. C'est une véritable mission d'espionnage qu'on confie à ce botaniste à cette époque. Racontez. Voilà, tout à fait. Donc Robert Fortune, c'est un peu le James Bond de la botanique, puisqu'il est envoyé par la Compagnie des Indes en mission pour aller voler le secret du thé aux Chinois, puisque les Anglais sont depuis longtemps des bons consommateurs de thé et les Chinois avaient le monopole du commerce du thé. On parlait de l'importance économique des plantes et tous les échanges des plantes. Donc là, c'est vraiment une mission comme ça qui pourrait paraître anecdotique, mais qui a vraiment révolutionné le marché mondial du thé. Ouais. Donc Robert Fortune était l'homme tout trouvé pour partir en expédition là-bas, puisqu'au départ, les Anglais avaient essayé de se procurer les thés de manière tout à fait légale, mais les Chinois ont été plus malins et leur ont rapporté une autre variété qui est le camélia japonica, le camélia décoratif qu'on a aujourd'hui dans nos jardins. D'accord. C'était pas le thé, donc, puisque c'est la même famille qui se consomme. Bon, ils n'ont pas tout perdu puisque ça a permis d'introduire une très jolie plante ornementale. Et donc après, ils ont trouvé une autre solution. Les Chinois ont bien conscience de la richesse que représente leur plantation de thé et ils ne sont pas prêts à donner leur plan au premier venu. Ils racontent tout un tas de légendes. Ils disent que pour récolter le thé, on lance des cailloux sur les singes qui, fâchés, cassent les branches pour renvoyer le thé. Enfin, ils laissent courir tout un tas de bruit pour qu'on se dise mais c'est très compliqué d'obtenir du thé. Voilà, il y a tout un mystère autour du thé. Et donc Robert Fortune était l'homme tout trouvé pour aller en expédition là-bas. Il avait déjà fait un premier voyage de 3 ans en Chine à une époque où le pays était très fermé aux étrangers. Les étrangers étaient très mal vus. Et donc, il avait déjà fait une mission qui s'était bien passée. Il avait ramené différentes plantes, comme le kumquat, qui porte son nom, un petit agrume. Et puis, donc, quand il est retourné là-bas, il fallait qu'il passe inaperçu. Donc, il s'est déguisé, carrément. Donc, il s'est déguisé en mandarin. Donc, il avait 2 guides qui l'accompagnaient, qui lui ont fait un peu voir de toutes les couleurs. Oui. Il raconte ça dans ses récits de voyage. C'est un peu les charlots partent en mission avec ces 2 guides, quand même. C'est un petit peu ça. Et donc, il demande à un de ses guides là, de lui raser la tête. Et il se fait une queue de cheval pour passer. Il s'habille en mandarin. Donc, d'ailleurs, il raconte ça avec beaucoup d'humour. Il en a les larmes aux yeux tellement ça lui fait mal quand il lui rase la tête. Enfin, bon. Ouais. Et puis... Il a une petite queue de cheval. Il se fait passer un peu pour un seigneur local. Voilà. Donc, à chaque fois que quelqu'un se demande qui est ce personnage, il dit « Oh, c'est un seigneur qui vient d'un pays au-delà de la Grande Muraille. » Voilà. Ouais. Donc, à chaque fois. Et puis, il va observer les méthodes de travail des Chinois, puisqu'en fait, il y a 2 choses. Hein. Il doit rapporter des pieds de thé pour aller les cultiver en Inde, dans les colonies britanniques. Et puis aussi, voir comment ils travaillent et comment ils fabriquent le thé. Il ne faut pas juste les plantes, il faut encore être capable de les cultiver après sous des latitudes qui ressemblent à peu près au climat où il les aura trouvées. Il va aussi s'adjoindre à les services de personnes qui savent cultiver le thé. Donc en fait, il ne revient pas juste avec les plants, il constitue une petite équipe. Voilà, quand il revient d'ailleurs, il arrive, au départ, il envoie des pieds qui n'arrivent pas à bon port, il doit renvoyer toute une cargaison et effectivement, après, il trouve des gens pour l'aider à cultiver le thé. Puis il fait des découvertes intéressantes. Par exemple, avant, on pensait que le thé noir et le thé vert étaient 2 plantes différentes. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est exactement la même espèce, mais c'est le traitement qui est différent. Dans un cas, il y a une oxydation, dans un cas, il n'y en a pas. Mais c'est exactement la même plante. Ouais. Marc Janson, on sait comment il va s'y prendre pour transporter, là encore, étape très délicate, ces plants de thé jusqu'en Inde. Oui, ça fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les progrès techniques et la façon dont les plantes ont voyagé. Donc, entre-temps, vers 1830-1840, il y a un Anglais qui s'appelle Nathaniel Bagshaw Ward et qui va découvrir quelque chose d'incroyable. C'est encore un exemple de sérendipité dans la science. C'est-à-dire qu'il élève des insectes. Découverte un peu au hasard. Voilà, il élève des insectes, donc il les met dans des espèces de petites bouteilles, comme ça, des bocaux en verre fermés, et il se rend compte qu'en fait, les spores de fougères vont germer, vont se développer beaucoup mieux dans ces ensembles clos que dans son jardin londonien soumis aux pollutions plus acides, etc. Et lui vient l'idée de développer ces espèces de systèmes de caisses qu'on appelle caisses de Ward et qui sont en fait comme des serres portatives dans lesquelles les plantes vont pouvoir voyager pendant des durées très importantes et se porter très très bien. On considère qu'avant la caisse de Ward, sur 20 plantes, 19 mouraient et qu'après la caisse de Ward, sur 20 plantes qui voyageaient, 19 survivent. Et donc ça permet de faciliter grandement. Et c'est des caisses un peu maudites parce qu'effectivement elles ont permis à Robert Fortune de faire voyager les plants de thé de la Chine vers l'Inde et elles ont permis aussi à une autre plante emblématique de cette mondialisation économique économique qu'est l'EVA, de quitter l'Angleterre vers l'Asie du Sud-Est, où les plantations d'EVA seront développées par les Anglais pour concurrencer le Brésil. Mine de rien, c'est grâce à cette histoire qu'on a commencé à cultiver du thé en Inde. Hein. C'est vraiment comme ça que commence l'histoire de la culture du thé en Inde. Alors, vous faisiez référence à l'EVA, l'arbre à caoutchouc. Hein. Nous sommes en Amérique du Sud pour la découverte de cet arbre qui est utilisé depuis longtemps à l'époque par les Amérindiens, mais qui a intrigué les Européens dès qu'ils l'ont découvert et qui intrigue encore les botanistes actuels tels que Francis Allais. Il suffit de blesser un EVA pour voir couler ce lait blanc avec lequel on fabrique le caoutchouc. Caoutchouc naturel. Si je me suis autant intéressé à cet arbre, c'est notamment à cause de son rythme inhabituel. L'EVA pousse, s'arrête, perd ses feuilles, reprend sa croissance, mais ce n'est pas un rythme annuel. C'est un rythme de période de 42 jours. Et en plus, ils ne font pas la même chose en même temps. Pourquoi est-ce que l'EVA croît ainsi alors qu'il n'y a pas de saison? Alors ça reste un mystère. Et on a des méthodes pour abolir le rythme. Il suffit de retirer un petit peu de surface de feuilles. Et s'il n'y a plus de rythme, il n'y a plus de latex. Les deux sont liés d'une manière qui n'est pas encore claire. C'est très curieux parce que ce latex, nous ne savons finalement pas à quoi il sert. Il est sûrement très utile à l'arbre parce que si on vide un arbre de son latex, il meurt. Les particularités assez fascinantes de l'EVA décrites par le botaniste Francis Allais. D'où vient l'EVA, Katia Astafiev, et quel est le premier explorateur qui l'observe? Alors c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud, c'est une plante qui vient du Brésil, et puis il y a différentes espèces un petit peu sur toute l'Amérique du Sud, et il a été découvert en Guyane au XVIIIe siècle par un Français qui s'appelait François Fresnaud de la Gataudière, qui avait été à nouveau, il n'est pas parti comme botaniste, il était ingénieur du roi, et il était envoyé en Guyane pour construire des fortifications. Et en passant du temps en Guyane, il a observé que les Indiens déjà avaient une substance, une matière caoutchouteuse, un petit peu, enfin, qu'on appelle aujourd'hui caoutchouteuse, oui. D'ailleurs que les Indiens appelaient caoutchouc, en deux mots. Hein. Et les enfants faisaient des espèces de balles, enfin voilà, oui. Ils avaient différents objets. Et donc il a passé du temps pour essayer de trouver, mais qu'est-ce que c'était que cet arbre? Parce qu'il avait, enquêté, hein, vraiment, il avait joué aussi un petit peu à l'enquêteur. Et il a interviewé des gens, des Indiens, différentes populations, pour essayer de trouver quelle était cette fameuse plante qui donnait cette substance un petit peu étrange. Et, voilà. Et il se serait fait les premières bottes en caoutchouc en renversant du latex sur ses chaussures. Voilà. En tout cas, c'est ce que raconte la légende. Voilà. Marc Janson, l'EVA a donc été rapporté chez nous par un Européen. Mais avant cela, les Indiens en avaient presque le même usage que nous aujourd'hui. Ils étaient en avance hein, sur nous et sur la compréhension de tout ce qu'on pouvait faire avec cette matière. Absolument, c'est un très bel exemple pour déconstruire en quelque sorte notre vision occidentale du voyage des plantes qui ne se base que d'après nos yeux et notre expérience. Des fois, c'est nous qui sommes en retard. Toutes ces plantes que l'on a ramenées, on les a ramenées parce qu'on a pu observer sur place qu'elles étaient utiles à quelque chose. Et finalement, dans toutes ces profits économiques parfois absolument colossaux qui ont été générés par ces voyages des plantes, eh bien les populations locales, c'est-à-dire celles qui ont vraiment découvert et transmis cette information aux Européens, ont été complètement laissées de côté. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces voyages des plantes sont aussi beaucoup plus contraints qu'à l'époque par des accords internationaux comme les accords de Nagoya, etc., pour essayer de rendre un peu de justice dans un domaine qui, depuis des siècles, brille quand même par son injustice par rapport au retour vers les découvreurs et les vrais utilisateurs de ces plantes qui sont les populations locales. On est en train de parler de biopiraterie, cette façon de s'approprier des Absolument. Savoirs, des plantes, des connaissances à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est plus réglementé. À l'époque, on s'est un peu comporté comme des pilleurs, on peut le dire voir comme ça. Comme des esclavagistes. En fait, l'histoire de l'EVA et du caoutchouc, on en parle très peu, mais a abouti à des massacres, à des véritables abus, tortures, etc., sur des populations indiennes qui ont été absolument décimées. On parle toujours de la décimation des Indiens du fait des conquistadors, etc., mais l'EVA a été absolument dramatique et catastrophique, une honte absolue pour les populations indiennes d'Amazonie, de différents pays. Alors vous, un arbre qui vous passionne, Marc Jean, ça n'est pas l'EVA, même s'il doit vous intéresser au même titre que tous les botanistes, parce qu'il est quand même assez curieux. C'est le palmier. Pourquoi cet arbre a autant d'intérêt pour vous? Alors, c'est plutôt dans les pays d'Asie hein, que vous êtes allé l'observer, ce palmier, vous? Oui, mon expertise, elle est sur un tout petit groupe qu'on appelle une tribu de palmiers qui se développe essentiellement dans le sud-est asiatique et dans l'ouest pacifique. On parle de tribu de palmiers ? Oui, ça fait partie de ces rangs, si vous voulez. Il y a les espèces, il y a les gens, il y a les familles, et il y a également un rang dans tout ce système taxonomique qu'on appelle la tribu. Ouais. Alors, il y a un poème d'Inde qui décrit les 800 bénéfices du palmier. Là aussi, on n'a pas idée de tout ce qu'on peut faire avec un palmier. Donnez-nous un aperçu. On peut en faire du miel, le miel de palmier à partir de la sève. On se sert évidemment des feuilles, on se sert du bois. Alors c'est un terme pas tout à fait propre parce que ce qui rend aussi le palmier fascinant, c'est que c'est une plante assez mystérieuse qui se comporte comme un arbre alors qu'en fait en termes strictement botaniques, elle n'en est pas. Elle est plus proche du poireau ou de l'oignon que du chêne ou du hêtre ou du baobab. Ça n'est pas vraiment un arbre, c'est une herbe en fait. C'est une sorte d'herbe géante ligneuse. Ouais. Ce qui fait qu'elle a des propriétés assez particulières et notamment une certaine vulnérabilité en termes de bourgeons. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul bourgeon qui la rend finalement potentiellement très, très vulnérable. Si ce bourgeon disparaît, eh bien la plante va mourir. Et pourtant, on est dans les records. C'est parmi la famille de plantes dans lesquelles on trouve les plus grands records, la plus grande tige, le plus gros fruit, le plus gros ensemble de fleurs. Donc des plantes en de nombreux points absolument fascinantes. Et on y trouve des choses moins spectaculaires, mais des molécules aussi utilisées là encore pour la pharmacie dans ces palmiers. Alors, un petit peu moins, il y a l'exemple du Serenoa qui est très très utilisé en ce moment pour tous les problèmes de prostate, etc. Mais c'est essentiellement une plante plutôt utilisée pour tout ce qui est, disons, construction, artisanat, etc. et alimentaire. Mm-hmm. Alors on a l'exemple, pour reprendre cette histoire du voyage des plantes, du palmier à huile, bien sûr. Alors le palmier à huile, tout ça, ces introductions de plantes et ces voyages des plantes, ça marche aussi beaucoup par vagues successives. Donc en ce moment, l'EVA a un cours qui est plutôt bas. Il y a un article dans la presse aujourd'hui sur le désarroi des cultivateurs, des éveiculteurs de Côte d'Ivoire. Et on remplace beaucoup, notamment en Asie du Sud-Est et en Malaisie, ces plantations d'EVA par des plantations de palmiers à huile. Donc les palmiers ne sont pas en dehors de toutes ces histoires qu'on a racontées avant. La fameuse huile de palme. Voilà, c'est tant décriée aujourd'hui. Ouais. Malgré tous leurs efforts, il y a des espèces que les botanistes n'ont pas réussi à faire voyager. Il n'y a pas de raison, on va s'y intéresser aussi dans un instant. Waouh, chérie, regarde ça, c'est un pot de fleurs avec de la terre dedans. En réalité, le vrai cadeau, c'est ce qu'il y a de planté dans la terre. Un bulbe d'une tulipe de Jérusalem. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est l'une des plus rares et des plus belles fleurs de toute la création. Toujours au grand jardin d'amour. après la petite fleur de Manu Dibango, Les grands arbres. L'histoire des arbres est liée à l'origine du monde. L'origine des hommes est liée à l'histoire des arbres. Pour beaucoup de peuples de la forêt, l'arbre est notre ancêtre. Comment ne pas le croire quand des yeux d'enfants pénètrent une forêt d'arbres géants sans visage? Séquoia, arbre à la peau rouge et au nom de chef indien. Arbre géant dont la puissance engendre le mystère. 32 mètres de circonférence, 112 mètres de haut, 1400 mètres cubes, 5500 tonnes et près de 3000 ans. Imposant séquoia, je suis toujours avec la biologiste Katia Astafiev et le botaniste Marc Janson. Où les trouve-t-on, ces arbres gigantesques et majestueux que sont les séquoias, Katia Astafiev? Alors aux États-Unis, sur la côte ouest, en Californie, dans l'Oregon, dans ces coins-là. Alors il y a plusieurs espèces. Il y a notamment le séquoia géant qui a un tronc gigantesque. Vous avez peut-être vu des photos. Vous avez une classe entière qui se donne la main, qui fait le tour de l'arbre tellement le diamètre est impressionnant. Et puis il y a l'arbre le plus haut du monde, qui est le séquoia dit à feuilles d'if. Et là, alors il peut le mesurer jusqu'à 115 mètres de hauteur. Ouais. Arbre de tous les records. Et puis il peut vivre plusieurs milliers d'années, jusqu'à 3000 ans cet arbre. On a essayé de les transporter, Marc Janson, les séquoias. Oui, alors juste avant de parler de ça, peut-être vous me pardonnerez de revenir vers les palmiers et les tropiques. La plus haute tige du monde, ça n'est pas chez les séquoias qu'elle a été mesurée, mais c'est chez les palmiers, des palmiers particuliers qui sont lianescents, qui sont les rotins, qui sont utilisés pour faire les meubles que tout le monde connaît. Et elle mesurait plus de 170 mètres de long, et parfois certaines observations nous donneraient une longueur jusqu'à 200 mètres de long. Donc. C'est quand même assez extraordinaire, parce que vous êtes en train de nous dire, Marc Janson, que la plante la plus haute du monde n'est pas un arbre, mais une herbe, puisque vous nous avez dit que les palmiers étaient plus proches de l'herbe que de l'arbre. Absolument. Et alors, ce serait pas la plus haute, mais ce serait la plus longue, disons, parce que les rotins sont des lianes, et donc elles vont partir évidemment du sol forestier, et ensuite elles vont avoir tendance à se coucher comme ça dans les grands arbres, sur la canopée. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est érigé, qui est droit comme un séquoia, mais dont la longueur totale est plus importante que celle qu'on mesure chez les plus hauts séquoias. Ça, c'était pour le petit post-scriptum sur les palmiers. Pour revenir aux séquoias, on a essayé de les transplanter. On aimerait bien avoir des arbres aussi beaux, aussi majestueux en France. On a essayé de le faire. Oui, il y a des séquoias, il y a même des grands séquoias en France, mais ils ont été introduits à partir du 18e siècle. Donc, comparé aux plus anciens qu'on peut trouver sur le site naturel, évidemment, ils sont beaucoup plus petits. Mais ça nous amène aussi à certaines notions. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de la technique des caisses de Ward, de la façon dont on a amélioré la technique pour transporter les plantes. Il y a aussi des contingences sur la biologie des plantes qui font que les plantes peuvent plus ou moins bien voyager. On a l'exemple de l'EVA. Pour revenir à l'EVA, effectivement, c'est une plante que j'aime aussi particulièrement. Faut savoir que les graines de l'EVA, lorsqu'on les cueille, elles ne gardent leur pouvoir de germination que pendant un mois, à peu près. C'est ce qu'on appelle des graines récalcitrantes. Ce qui fait que si vous prenez la graine sur le bateau, mais que pour une raison ou une autre, le bateau met plus d'un mois avant d'arriver au port de destination où on souhaite la mettre en culture, eh bien les graines ne germeront pas. Donc il y a aussi à comprendre la biologie de la plante pour en assurer un transport optimal et une reprise, en tout cas, lorsqu'on va la planter en Europe. Les transports étaient beaucoup plus lents à l'époque, donc ce temps de germination était à prendre en compte et pouvait poser des problèmes. Vous nous avez dit, on en a transplanté des séquoias sur le sol français. Ça veut dire que si tout se passe bien, s'il n'y a pas de grosses catastrophes, dans 3000 ans, il y aura des séquoias de la taille de ceux qu'on trouve aux États-Unis sur le sol français. Souvent, il est difficile d'obtenir des caractères absolument comparables avec la zone d'origine lorsqu'on les plante dans des pays différents, dans des zones différentes, parce que le climat n'est pas le même. C'est des zones dans lesquelles l'humidité est très importante. On parle de fog forest, les forêts de brouillard, etc. Donc, il est fort probable qu'on n'ait pas exactement les mêmes dimensions et les mêmes structure, mais on peut en avoir une évocation quand même assez belle et assez impressionnante. Puisque nous sommes dans le gigantisme, parlons de la rafflésie, une drôle de fleur, Katia Astafiev, la rafflésie. Alors ça, c'est vraiment une curiosité botanique, une des plantes les plus impressionnantes du monde, les plus bizarres. Effectivement, c'est la plus grande fleur du monde. Elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre, peser 10 kilos. C'est absolument impressionnant. Et elle sent très mauvais. Et elle sent très très mauvais, donc ça c'est pour attirer les mouches. Et donc, elle fleurit pas longtemps, entre 4 et 8 jours. Et elle sent très très mauvais, une odeur de viande morte, voire de cadavre. Donc c'est pas agréable. Ah oui. Mais c'est vraiment une plante assez extraordinaire et qu'on trouve uniquement en Asie du Sud-Est. Ouais. Ni feuilles, ni tiges, ni racines. Elle effectue la thermogénèse, c'est-à-dire qu'elle chauffe toute seule cette fleur. Voilà, moyen d'en plus de dégager plus de parfums pour mieux attirer les insectes. Et elle parasite une liane, comme elle ne fait pas de photosynthèse, il faut bien qu'elle se débrouille et qu'elle s'adapte. Donc elle vit en parasitisme sur une autre plante. Et Marc Janson, cette plante difficilement cultivable et transportable? Alors on fait des essais, c'est vrai que ça devient une plante que l'on arrive désormais à cultiver en jardin botanique, mais c'est une plante qui est associée à une autre plante qui est Tétrastigma, qui est de la famille des Vitacées, dans la famille de la vigne, et il y a des mises en culture et des conditions de culture très très très spécifiques qui pendant très longtemps vont empêcher sa mise en culture, mais encore une fois, grâce à la science, au progrès technique, etc., de plus en plus c'est des espèces qu'on trouve dans le jardin botanique. En même temps, si elle sent vraiment mauvais, est-ce qu'on a envie d'avoir cette plante gigantesque au milieu du jardin? Oui, parce que ce sont des plantes menacées, et les jardins botaniques de plus en plus aujourd'hui ont pour but de conserver la biodiversité, et donc plus les espèces sont menacées en milieu naturel, plus on a envie et plus on a besoin de les conserver ex situ dans des jardins botaniques. Dans des jardins botaniques, mais je parlais du jardin de monsieur et madame tout le monde dans... Bon, alors effectivement, les plantes qui puent, il y en a beaucoup, même en France, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Malaisie pour les trouver, il y a l'iris puant, il y a le draconculus, tout ça, mais souvent c'est pas ce que les fleuristes vraiment mettent en avant dans leur stand et pour cause, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Malaisie pour trouver des plantes qui puent. Voilà. Les plantes sont aussi capables de voyager seules et de s'installer dans les interstices des villes. C'est ce que nous allons découvrir avec le nouveau reportage de Clément Baudet en partenariat avec CNRS Le Journal. Clément s'est rendu sur la Petite Ceinture à Paris avec une chercheuse qui s'intéresse à la façon dont la flore s'adapte à la vie urbaine. Nathalie Machon, professeure d'écologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. On est en train de marcher sur les rails de la Petite Ceinture, cette ligne de chemin de fer qui fait le tour de Paris et qui a été abandonnée. Et on remarque qu'ici, la végétation reprend ses droits. On peut voir qu'elle reprend ses droits, surtout par le fait qu'il y a des espèces qui sont un petit peu envahissantes et qu'ici, elles peuvent s'exprimer comme elles veulent. Il y a des ronces, il y a des carottes sauvages, il y a de la clématite qui se répand bien. Dans les villes, la nature, elle est vraiment gérée. Mais ici, les espèces, elles peuvent tout à fait s'exprimer. La pression par les citadins, elle est quand même très faible. Même si on voit beaucoup, beaucoup de traces humaines ici. Il y a tous les tags sur tous les murs. Mais bon, la pression, elle n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans un parc public ou dans un jardin, évidemment. En tout cas, c'est un lieu vraiment intéressant pour la biodiversité de la ville de Paris. Alors nous, on fait des inventaires dans différents lieux et on regarde quelles sont les espèces et quelle est leur abondance. Et puis on fait des comparaisons pour voir comment les modes de gestion ou les pratiques des citadins ont un impact sur la biodiversité. Avec toutes ces données, on peut voir effectivement comment les espèces se déplacent au sein des villes. Par exemple, on a une espèce qui s'appelle le Senson du Cap. Elle vient, comme l'indique son nom, d'Afrique du Sud. Elle est arrivée par la gare de Bercy dans la laine des animaux qu'on a importés. Et les graines ont dû s'échapper. Et peu à peu, elle a envahi le territoire européen. Et maintenant, on en voit partout, partout, partout. C'est les fleurs jaunes que les citadins voient en hiver parce qu'elles sont proches de toutes les lignes de RER, d'autoroute. Et il n'y a pas que cette espèce-là. Il y a le Buddleia aussi que vous voyez là, l'arbre au papillon. C'est un arbre avec des grandes grappes violettes et ces grappes sont souvent entourées de papillons parce qu'ils donnent du nectar et les papillons sont très friands de ce nectar. Mais en même temps, c'est une espèce qui fait beaucoup de graines, beaucoup de rejets et qui a tendance à envahir les friches. D'ailleurs, on voit les papillons. Les espèces en ville, c'est pas de la génération spontanée, donc elles viennent forcément de pas très loin. Et les jardins, c'est une source inestimable pour la nature de ce type d'espace. Et là, il y a les ronces avec les murs. Hein. On peut les manger. Merci. En plus, il n'y a pas les pots d'échappement pour les polluer, donc elles sont très bonnes. Dans le livre que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y a à peu près 2/3 des espèces qui poussent sur les trottoirs qui sont comestibles. Maintenant, évidemment, quand elles ont poussé sur le trottoir, on ne va pas manger celles-là. Hein. Mais toutes, elles ont un intérêt culinaire, enfin énormément en tout cas. Voilà, ça, c'est fleurs blanches. Là, c'est des carottes sauvages. On les appelle des ombelles. Des carottes sauvages en plein Paris, c'est possible. C'est possible. Ça aussi, c'est une échappée de jardin. Une rose trémière. Une rose trémière. Le grand changement, c'est la loi qui a été mise en œuvre à partir de janvier 2017, où on a interdit l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics. Donc le parti pris, c'est de moins gérer et d'accepter finalement une partie de la flore qui se développe dans ces espaces publics. Et c'est super parce que nous, en tant qu'écologues, on voit la différence entre avant et après. On a beaucoup plus d'herbes folles qui poussent un peu partout. Et probablement, ça a un intérêt très fort pour l'écosystème urbain. Donc c'est ce qu'on est en train de documenter petit à petit. Mais je crois que c'est une réelle chance. Nos villes, elles sont en train de changer et on passe à des choses qui sont très minérales et un peu difficiles à vivre, vers des villes plus vertes, peut-être plus denses en termes de nombre de logements par mètre carré, mais en tout cas plus accueillantes pour la biodiversité et donc bien meilleures pour la santé des citadins. Vous savez vers où on s'en va là ? Moi, pas du tout. Là, on va arriver vers la Porte Dorée, je pense. Mais je ne suis pas sûre qu'on pourra ressortir, donc peut-être faut faire demi-tour, effectivement. Et aux dernières nouvelles, Clément Baudet et Nathalie Machon ont réussi à sortir de cet espace, la Petite Ceinture. Merci Clément Baudet, vous pouvez retrouver tous les reportages de Clément sur le site CNRS Le Journal, dont nous sommes partenaires. Un site très riche avec de nombreux articles. L'accès est entièrement gratuit et c'est très bien vulgarisé, alors ne vous en privez pas. Marc Janson, même sans les hommes, on s'en aperçoit, les plantes ont cette capacité à voyager, à gagner du terrain. Alors ça n'est pas sur un individu, mais sur plusieurs générations, on avance, on colonise du terrain. Ce sont des voyageuses par leurs propres moyens aussi. Oui, les plantes sont fixes par opposition aux animaux qui sont mobiles et qui courent partout. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on s'intéresse beaucoup plus aux animaux qu'aux plantes. Mais pour la rencontre des sexes, la sexualité ainsi que la dissémination des fruits et des graines, elles ont inventé des techniques très diversifiées et très efficaces pour justement se propager, coloniser de nouveaux milieux et assurer comme ça une augmentation ou au moins une stabilisation des populations. Donc elles peuvent utiliser l'eau. Alors il y a l'exemple de la noix de coco. Parfois ça marche tellement bien que par exemple on ne sait pas quelle est vraiment naturellement l'aire d'occurrence de la noix de coco puisque du coco. Donc parce que ces noix de coco vont tomber à la mer et se faire porter par les courants marins. Aujourd'hui, des cocotiers, on en trouve sur toute la ceinture intertropicale et on a beaucoup de mal à savoir quelle est vraiment l'origine géographique du cocotier. Ouais. Donc c'est des techniques qui sont très très efficaces. On peut penser aux promeneurs. Alors cet été, nos auditeurs sont peut-être allés se promener dans les dunes, etc. Souvent, sont revenus avec des graines accrochées comme ça dans les pantalons ou dans les chaussures. Donc les plantes ont tout un tas de techniques ouais. différentes pour propager leurs graines et ainsi se disséminer. Elles nous utilisent soit par leur charme, soit même à notre insu, en s'agrippant à nous et puis en faisant un bout de chemin avec nous. Suite et fin de nos explorations botaniques en compagnie de Marc Janson et Katia Astafiev, le temps d'un bivouac sur France Inter et vous allez répondre aux nombreuses questions qui sont arrivées pour vous de la part de nos auditeurs. Tout ira bien, au creux des tours. J'ai peur de partir, qu'arrivera-t-il demain? Tout ira bien. ira bien. C'était Rameau sur France Inter. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre ? Ressemble à une feuille morte. Elle est où ? Là, au sol. Waouh ! Voilà. Mais on la voit même pas. Elle est tellement... Elle se marie bien avec toutes les feuilles, en fait, qui sont par terre. Au sol. Ouais, c'est une orchidée, mais là, il n'y a que la feuille. Et ça fait une inflorescence assez longue, 25 cm. Elle s'appelle Pachyplectron arifolium. On peut la trouver dans la forêt sèche, celle-là ? Non, on la trouve uniquement en forêt humide. Et là, on est à plus de 500 mètres d'altitude. Là, hein. C'est de la forêt humide, là où on est. Il faut grimper, quand même, pour la voir. Ouais. Elle est endémique ou... Oui, c'est une orchidée endémique, celle-là. OK. Ouais. Oh, merci beaucoup, Jean-Pierre. Deux botanistes en forêt de Nouvelle-Calédonie dans la région de Pouembout en train de faire un inventaire de la biodiversité. On effectue encore ce genre d'inventaire dans les forêts du monde entier. On découvre encore de nouvelles espèces de plantes aujourd'hui, Marc Janson. Mais des centaines. Il faut surtout pas croire que l'inventaire du vivant est terminé. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur Mars, beaucoup de choses à faire sur la Lune. Mais alors, il y a aussi... en termes de végétation sur Mars, on s'avance pas trop quand même? Certains films s'avancent un peu, mais peut-être moins les scientifiques. Mais en tout cas, faut pas croire que l'inventaire du vivant est terminé. Il y a encore énormément de choses à faire et il n'y a jamais eu autant d'urgence à le faire, puisqu'on le sait, la biodiversité est très très menacée. Et donc, c'est un appel aux vocations, il y a encore beaucoup de travail à faire. Quand vous dites menacée, on parle souvent de la sixième extinction d'espèces. On pense souvent, quand on parle de cette sixième extinction d'espèces, aux espèces animales. Les plantes aussi sont menacées dans les mêmes proportions ? Évidemment, et comme les deux règnes sont liés, l'animal encore plus lié au végétal que le végétal peut être lié à l'animal, mais il y a quand même une interdépendance. Donc, bien sûr que la destruction des milieux va affecter les animaux, mais va aussi affecter les végétaux. Alors, on a plusieurs questions d'auditeurs sur le thème un peu des plantes invasives, qui va avec ce thème des plantes voyageuses. Il y a Hubert, d'abord, qui vous dit « Certaines espèces ont-elles disparu à cause de ces voyages effectués par les hommes ?» Et puis, Jean-Paul, qui demande « Certaines plantes voyageuses sont envahissantes et occupent le terrain. Peuvent-elles conduire à un appauvrissement de la biodiversité présente sur place ?» Alors, des extinctions d'espèces liées au voyage des plantes, peut-être pas directement, mais en tout cas le fait que l'homme se soit aventuré sur la planète et ait colonisé de plus en plus de territoires a eu des conséquences catastrophiques. On peut penser à des milieux insulaires, notamment, qui sont plus fragiles, parce qu'évidemment moins étendus que des grands bassins forestiers comme le Congo ou l'Amazonie. Donc c'est pas tellement les prélèvements qui ont été faits pour introduire des plantes ailleurs, bien que sur certaines orchidées rares, etc., on ait aussi des prélèvements qui soient potentiellement dangereux. C'est beaucoup plus le développement des activités humaines et la colonisation en tant que telle qui a posé problème. Jean vous demande, Katia Astafiev, sur quelle base peut-on définir une espèce comme invasive ? La pomme de terre, le maïs, le tabac, qui sont donc des plantes que l'on a déplacées, sont-elles devenues des plantes invasives ? Non, et heureusement, en fait, on estime à peu près qu'une espèce sur 1000 va poser risque d'être invasive, puisqu'effectivement, une espèce transplantée dans un autre pays, des fois, il y a le climat, évidemment, qui ne va pas, donc la plante ne pourra pas se développer. Un certain nombre d'espèces vont se naturaliser, ça veut dire qu'elles vont bien se plaire, elles vont s'adapter, elles vont être très utiles dans nos jardins pour l'alimentation et tout ce qu'on veut. Et puis, il y a un cas sur très peu, finalement, d'espèces qui peuvent devenir un petit peu problématiques et se propager. On parlait des îles, effectivement, où là, le problème, c'est qu'on ne sait pas, au départ, si une plante est invasive ou pas. Oui, ça, on ça. Le sait, il y a toujours un temps de latence. En les faisant voyager, on prend ce risque d'être un peu débordé, Marc Janson, par les plantes. Que ce soit très clair, quand j'évoquais un risque limité, c'est sur les prélèvements qui sont effectués pour ces plantes qu'on met sur des bateaux, on pense à l'EVA, etc. C'est vrai que ça peut représenter des centaines de milliers de graines, mais ça ne menace pas une population. Par contre, des espèces qui sont introduites sur de nouveaux territoires où elles n'étaient pas présentes par l'homme peuvent se développer. On peut penser au Myconia à Tahiti, en Polynésie française, etc., où là, il y a véritablement une menace extrême sur la biodiversité. Alors, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Dominique, pouvez-vous nous donner des informations sur l'herbier détruit par les services douaniers de Sydney ? Est-ce irréparable ? Marc Janson. Alors c'est irréparable, oui, puisque ces collections sont absolument uniques. Pourquoi on l'a détruit, cet herbier ? Alors on fait des échanges, c'est-à-dire que ce travail de description de la biodiversité qu'on évoquait tout à l'heure, qui se poursuit et qui est urgent, il se fait sur les bases des collections d'histoire naturelle, notamment des collections d'herbiers dans le cas de la botanique. Et ces herbiers, soit les spécialistes étrangers viennent le consulter sur place chez nous à Paris, soit nous envoyons une partie de nos collections dans les institutions étrangères. Un colis est parti pour nos collègues du Queensland en Australie pour étudier un groupe spécifique de plantes. Et malheureusement, à l'arrivée à la frontière, l'Australie ayant des des normes assez strictes pour protéger sa propre biodiversité d'introduction de maladies, etc., d'autres plantes, eh bien, il y a eu une confusion qui a été faite, en gros, entre ce qui aurait pu être des oranges ou des bananes. Et on a pris ces spécimens absolument historiques du XVIIIe siècle, uniques, collectés avant même que l'Australie n'existe, par la Billardière et d'autres grands botanistes français. Et très malheureusement et scandaleusement, ils ont été détruits. Allez, je rappelle le titre de vos ouvrages. Katia Astafiev, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, aux éditions Duno. Marc Janson, L'herbier de Gerardo Cibo, publié avec Stéphane Marie, aux éditions du Chêne. Un grand merci à tous les deux d'être passés par notre bivouac. Merci à vous. Merci. Je vous présente notre invité de la deuxième heure, le photographe et documentariste Raymond Depardon. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu. Vous avez photographié et filmé aux quatre coins du monde, aux États-Unis, au Japon, dans différents pays d'Afrique, d'Amérique latine. Vous avez aussi été reporter de guerre et nous allons revenir dans la deuxième heure sur quelques-uns de vos voyages, ce qu'ils vous ont appris sur le monde, sur les hommes et sur vous-même. C'est un immense plaisir de partir en bivouac avec vous, Raymond Depardon, dans un instant.